L'air baisse tout jour, n'ai vers d'autre part, pichote flou. D'une des garrigues outiques disques de ton enfance, vo les montagnes des sèves d'un volcan alvencha. Dans les bras sans estac d'une parla et les passants, dans les promesses d'auvin, et l'idée qu'est-ce mai douce dans la débute des autres que dans les bras d'au patient. Mimosa pudique et meilleur escondu de des vistes et des dires qui t'aisare l'ombrune de l'aubre vieille, qui t'aisare l'ombrune qui t'estouffe, perd des bras embellis où t'es le soulet où tu stans. Autre part est tout jou mai tu cousses. Autre part est tout jou mai douce, que les pays le ruffe de la vie de cada tchou. Chote flou, crée sud d'eau bétume, veillem belem, beléo, essaye tout sous des pastels. Pichote flou, des bars et des castels, né sud d'une joue d'imisué des castagnes. Aïe patin la marune des mourelles, aïe mi mai lou gousse juste de la mourume. Gousse que muera l'ombrume moderne, si où l'homme est démoura des mourets pour signe. Pichote flou, des saladelles, au calabrune, t'y ven un casse à ma belle. A quel ibar jacaïre, ou beau parla, d'y pra mai vert. Mais si ou l'ouraille de la lune, si est régine de la férune, des luens, un cassaire des mantunes, des mueriers ou s'enjeine l'oreille des tu lune. C'est l'ancienne la sort, pour y aller ce silence, sa valisca et les salastres, estreci, mon poumas recandescansi. Pichota flumai, l'ombre les codes que fugisses, tant gardade d'hiberis au seu de ma gagne, et d'aussi catamou que n'est-ce pas que tu cueilles une serre, pertile sa tombâtre, que l'eau doudou se s'en va. Et souvent les fleurettes qui s'y sont mis en flirtade accabouent un bouquet et met d'autres flous secs quand quitte ses amours vers une herbe maille verte.